Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film d'espionnage tiré d'une histoire vraie. Moscou, au début des années 80, en pleine guerre froide. Sergueï Grigoriev, colonel du KGB, déçu du régime de son pays, décide de faire tomber le système. Il prend contact avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou, Pierre Froment. Les informations extrêmement confidentielles qu'il lui remet ne tardent pas à intéresser les services secrets occidentaux. J'ai des choses importantes pour vous. 15 personnalités hautes placées à l'ouest travaillent pour nous. L'homme que vous avez vu, c'est un colonel. Le KGB lui a mis la main dessus dès l'université. Vous allez devenir un petit espion. Non, pas du tout. Moi, j'assure juste le contact le temps qu'une autre solution soit trouvée. Vous avez peur? Ben oui, j'ai peur, ouais. J'ai peur pour mes enfants, pour ma femme et pour moi aussi. Il faut se débarrasser de tout ça et vite. J'ai épousé un ingénieur, pas James Bond. On est dans la gueule du loup ici à Moscou. Il n'y a aucun danger. Personne au KGB ne s'intéresse à vous. Aujourd'hui, il faut faire exploser le système. Pour exploser le système, il faut être au cœur du système. C'est devenu trop lourd pour moi. C'est une grosse opération. Elle a déjà un nom de code. Farewell. C'est remonté jusqu'à Mitterrand et Reagan. On va finir cette histoire, Pierre. Tous les deux. L'affaire Farewell, un film de Christian Carion avec Guillaume Canet, un DVD Fox Pathé Repas.